Chapitre 4e, la giroflée. Au sommet du vieux donjon croissait une giroflée. Un prisonnier la voyait de sa fenêtre. C'était sa joie, sa consolation, son unique espérance. Il l'aimait comme on aime une femme. Le printemps, le soleil, l'air, la liberté, la giroflée était tout cela pour lui. Elle lui souriait du haut de son créneau. Elle balançait gracieusement ses petites tiges devant lui. Elle se penchait sur la noire muraille comme pour lui donner la main. La nuit, s'il entendait gronder l'orage, mugir le vent, tomber la pluie, il tremblait pour sa giroflée. Son premier soin le matin, après avoir fait sa prière, était de regarder du côté de sa chère fleur. La giroflée avait déjà oublié l'orage. Elle secouait ses feuilles mouillées, comme un oiseau ses ailes. En un clin d'œil, sa toilette était achevée et elle prenait des petits airs coquets en regardant le soleil. Quelquefois, la giroflée amenait des amis au pauvre prisonnier. Tantôt, c'était un papillon qui venait voltiger autour de ses barreaux après avoir rendu visite à la fleur. Une abeille qui faisait entendre à son oreille son doux bourdonnement. Un petit oiseau des champs qui, fatigué de son vol, s'arrêtait pour se reposer sur les branches de la giroflée. Quand l'hiver arrivait, le prisonnier n'avait plus d'amis. Quelquefois, il voyait passer les hirondelles devant sa prison. « Hélas !» disait-il alors. « Les hirondelles sont de retour et la giroflée ne revient pas. Elle m'a oublié, comme tous les autres. » Mais au premier rayon du soleil de mai, un beau matin, en se réveillant, la giroflée le saluait du haut de la meurtrière, et bientôt revenaient avec elle les amis du prisonnier, le papillon, l'abeille et le petit oiseau des champs. Il y avait dans la vallée un homme qui passait toute la journée dans les champs, une grande boîte de fer blanc passée en bandoulière. Il la rapportait le soir au logis pleine d'herbes, de fleurs, de plantes de toutes sortes. Il croyait aimer les fleurs parce qu'il était botaniste, parce qu'il les étiquetait, les rangeait, les classait par taille, par sexe, par famille, par catégorie, parce qu'il leur donnait des noms latins, l'infâme. Un jour qu'il était fatigué de ses courses, notre homme s'arrêta au pied du vieux donjon où se trouvait le prisonnier. Comme il portait son mouchoir à son front pour essuyer la sueur qui en découlait, il leva la tête et avisa la giroflée. « Oh !» s'écria-t-il, « voilà une giroflée qui fera bien mon affaire. Mon voisin et antagoniste Nicolas n'en a pas d'aussi belle dans sa collection. Tâchons de nous emparer de celle-ci. Mais comment faire ?» Le donjon était fort élevé, impossible de l'escalader. Notre homme jeta les yeux autour de lui. Il vit que la tourelle touchait à une espèce de rempart à demi ruiné, que du haut de ce rempart, on était à peine séparé de quelques pieds de la plateforme. Il commença son ascension. Quoiqu'on fût au plus fort de la chaleur du jour, l'idée de jouer un bon tour à son voisin Nicolas lui donna du courage. Le prisonnier contemplait sa giroflée dans une de ces extases muettes qu'on éprouve qu'auprès de la femme qu'on aime. Tout à coup, il vit une ombre se dessiner sur le mur et un homme apparaître sur la plateforme. Il marchait résolument vers la giroflée. À la boîte dont il était armé, le prisonnier reconnut un botaniste. Quand il fut près de la plante, il se mit en devoir de l'arracher. « Arrête ! Malheureux !» lui cria le prisonnier. « Si tu as un cœur sensible, si les malheurs de tes semblables peuvent te toucher, respecte cette fleur. C'est elle qui me soutient, qui me console, qui m'empêche de mourir. » « Voilà un pauvre fou qu'on a bien fait d'enfermer, » murmura le botaniste, et il reprit son œuvre. « Infâme !» continua le prisonnier. « Dieu te punira !» Le botaniste était mis debout sur la plateforme, les racines de la giroflée étaient fixées en dehors du mur. Elle tenait ferme. Un violent effort de notre homme, la plante céda cependant, mais elle ne vint pas seule, elle entraîna le botaniste dans sa chute. Ce que c'est que d'oublier les lois de l'équilibre quand on herborise sur les vieux donjons ? La Providence avait vengé le prisonnier. Bien plus cruellement encore qu'on pourrait se l'imaginer, car le botaniste n'était pas tué sur le coup. Il poussa des cris affreux. Des paysans accoururent, le mirent sur un brancard et le transportèrent chez lui. Le médecin déclara qu'il fallait lui couper les deux jambes. Après mûre délibération, cependant, il se contenta d'une seule jambe. Le botaniste guérit, mais il ne put plus se livrer à l'herborisation. Il eut le crève-cœur de voir tous les matins passer son voisin et antagoniste Nicolas la boîte de fer-blanc sur le dos. Nicolas herborisa tellement qu'il fut nommé membre de l'Académie. Son voisin en eut la jaunisse. Quant au prisonnier, il tomba dans un morne accablement. Il lui sembla qu'en perdant sa giroflée, il avait perdu une seconde fois sa liberté. L'hiver vint, triste saison pendant laquelle, du moins, il ne songeait pas à sa plante chérie. Mais au printemps, un matin que les rayons du soleil pénétraient dans son cachot, il ne put s'empêcher de lever ses yeux baignés de larmes sur le donjon. Une autre giroflée se balançait sur sa tige et disait bonjour au pauvre prisonnier.